Le coureur de filles, par Jules Renard. Parce qu'il venait d'achever ses 5 ans, Pierre Leroque se croyait homme, c'est-à-dire libre, le soir, après le travail, de sortir seul, de jouer aux cartes en prenant quelque chose, en racontant des souvenirs du régiment et de rentrer tard, à l'heure où les chiens qui sont enragés courent par les rues désertes, cherchant les eaux, la queue arquée entre les jambes. Doux au fond et docile, il n'avait guère que ce défaut de vouloir faire l'homme, non seulement avec ses 2 sœurs timides et simples, mais encore avec son père et sa mère, parents terribles. Sa mère l'avait prévenu tout de suite. « Je ne veux pas que tu quittes la ferme après la soupe. Mais maman, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien, moi. Prends bien garde, ou je te donne une calotte. » Une calotte. Pierre avait haussé les épaules. La griotte, comme on appelait sa mère, du nom de la cerise à courte queue, n'avait pas changé pendant son absence. Elle semblait toujours aussi aigre et même aussi bonne qu'auparavant. Elle aimait ses enfants d'une manière bizarre, méchante et dure le plus souvent, mais tout en pleurs dès que son fils écrivait « J'ai couché cette nuit à la salle de police » et dès que l'une des 2 sœurs se faisait venir le sang au bout du doigt d'une brusque piqûre. « Mais maman, je ne suis pourtant plus un gamin. Tais-toi donc, Némou, je te défends de courir le guilledou, m'entends-tu » À ces mots, les 2 sœurs, en train de coudre avec application près de la fenêtre, les joues caressées au moindre coup de vent, par les langues des géraniums qui se penchaient élastiques, baissèrent sagement les yeux. La griotte s'en aperçut, et comme elle avait dit une bêtise, elle s'en prit à Pierre. « D'abord, grand vaurien, tu ne pourrais pas mieux te tenir quand tes sœurs sont là ?» Sous ses sourcils rejoints, ses yeux paraissaient en combustion. Elle tremblait, les poings fermés, ses lèvres blanches rentraient dans sa bouche, comme si les pointes de ses dents, pareilles à des aiguilles, en eussent pincé, mordu et tiré les bords de l'intérieur, pour les réunir dans un surjet solide. Allait-elle prendre un manche de balai ou une casserole? Les 2 sœurs haletaient et manquaient 2 points sur 3. Pierre répondit « Tu ne sais pas ce que tu dis, va, maman !» Il sortit, et ce soir-là rentra plus tard encore que d'ordinaire. Le père dut intervenir. C'était un homme d'une force extraordinaire. De ceux qu'on l'avait vu abattre un bélier malade, d'un seul coup de pioche à la nuque, on avait conclu qu'il pouvait prendre un bœuf furieux par ses 2 cornes et le retourner sur le dos, simplement comme une petite tortue de restaurant. Une autre fois, n'avait-il pas, d'une détente de jarret, cassé la jambe droite d'un de ses meilleurs amis? Ces histoires étonnantes, peut-être fausses, se contaient aux veillées d'hiver, aux soirées d'été, aux chants criards des rainettes, et intéressaient comme des légendes. Certes, son garçon Pierre, par sa haute taille et ses membres souples et solides comme l'érable, tenait visiblement de lui. Mais quelle différence! D'abord, un fils n'est jamais aussi fort que son père. Le roc se montrait surtout redoutable dans les discussions sur l'honneur, celui des filles et celui des garçons. Il s'enflait soudain, comme si une grande bouffée de vent eût soufflé par ses bennes dans tout son être. On s'attendait à voir gicler des filets rouges de ses tempes battues par les violents afflux du sang. Ainsi, les vers de terre sortent d'un sol humide quand on frappe rythmiquement autour d'eux. Pour les fautes de libertinage, l'Europe n'admettait qu'un seul châtiment, la mort. Déjà, il avait voulu tuer à coups de revolver une des 2 sœurs injustement soupçonnées. Heureusement, le revolver n'était pas chargé. Le chien de l'arme fit jusqu'à 6 fois un petit clic inutile et grotesque. Les 2 sœurs étaient à ce point innocentes qu'elles ne surent jamais bien, se trouvant côte à côte au moment de l'attentat, laquelle des 2 avait failli mourir et si leur père avait voulu plaisanter. Car sensible au ridicule, il n'insista pas. Seulement, il eut soin de glisser dans le revolver, séance tenante, 1 balle. 1 seule devait suffire à l'occasion. Il dit à Pierre. « Alors tu suis les femelles ?»« Comment, tu t'en mêles aussi ?» répondit Pierre. « Toi, un homme ?» C'était impatientant. Il reprit, têtu, le fond plissé. « Et quand ça serait ?»« Oh, moi, dit le roc. » « Je n'y vais pas par 4 chemins. Si tu sors encore le soir pour les retrouver ta traînée, tu auras affaire à moi. » De ses doigts recourbés, il indiquait le creux de sa poitrine, à 3 reprises diverses, comme un pêcheur convaincu. Ce défi exaspéra Pierre. Il ne tenait pas aux filles, mais il tenait à sa liberté. Il garderait sa liberté et les filles avec. Les tracasseries de sa mère l'avaient rendu mauvais. Il comprit que toute tentative d'arrangement serait vaine. Il chercha quelque temps une bonne réplique, qu'il enroula dans son cerveau comme un enfant pétri entre ses doigts une boule de neige, Une réplique dure, serrée, lourde d'entêtement, la jeta en plein dans la colère de son père avec méchanceté et hardiesse. « Je suis majeur, je peux faire ce que je veux !» Les deux sœurs cessèrent de coudre et dressèrent leur col, l'une toute rouge, l'autre toute pâle. Qu'allait-il se passer? Pierre regardait résolument son père. Tous les deux se soufflaient dans la figure, les épaules penchées, prêtes à se heurter. Mais la griotte, épouvantée et subitement attendrie par le danger que courait son fils, se jeta entre les deux hommes en criant « Le roc, tu ne sais pas le prendre, ce petit, laisse-moi faire !» Il ne se passa rien. Le roc, en s'arc-boutant contre un mur neuf, l'aurait fait crouler, mais il obéissait volontiers à sa femme. Par peur ou par mépris, il se contint et dit à Pierre « As-tu fait ton majeur avec ton père, mon garçon ? C'est bon, continue jusqu'à ce que je t'arrête. » Il détourna ses épaules menaçantes avec la lenteur d'une grue qui déplace des pierres de taille. Pierre continua de rentrer à des heures tardives, indifférent aux clabauderies. Sa mère se mit en chasse avec ardeur pour trois motifs. D'abord, très religieuse, elle ne trouvait dans l'œuvre de chair, en dehors du mariage, que crime et perdition. Elle voulait surprendre son fils en pleine débauche, le nez sur la chose, et après l'avoir corrigé, car le voyait encore tout petit, en culotte fendue, la porte grande ouverte aux fessées, lui faire honte de sa conduite et le ramener à la ferme par l'une et l'autre oreille alternativement. Ensuite, elle était jalouse comme mère. Enfin, elle voulait regarder en face l'amoureuse et au moyen d'habiles coups doubles lui distribuer à elle aussi sa part de gifles. Dès que Pierre était sorti, elle prenait son parapluie, même au plus beau soir, et sa lanterne grillée, sans laquelle elle n'allait jamais dehors, la nuit venue, et tâchait de le suivre. C'était impossible. En effet, grâce à ses longues jambes, Pierre la distançait sans peine et plein de méfiance, rusait, compliquait les détours. Elle le perdait rapidement de vue, devait revenir, irritée, maligne, mais non découragée. Le roc et les deux sœurs dormaient déjà, tous les trois dans la même chambre. Pierre couchait à côté dans l'écurie, tout près des bêtes. On pouvait l'entendre rentrer en collant son oreille au mur. Depuis quelque temps, c'était à croire qu'il ne rentrait pas du tout. Ayant enjambé son homme, coulé dans la ruelle, la griotte, étendue sur le dos, son chapelet entre ses doigts, écoutait de ses deux oreilles. Mais rien, pas un bruit de loquet. Bientôt, sommeillante, elle aurait été incapable de faire une différence entre un claquement de porte et la chute coupée lourde d'une grosse bouse de bâche. Il lui fallait accrocher son chapelet à la croix du bénitier et s'endormir tout à fait. Un soir, elle eut une grande surprise. Vite déroutée par la disparition brusque de Pierre à un pan de mur, elle s'en revenait à la maison, lentement, toute triste. Elle entendit des pas qui la suivaient. On semblait avancer avec précaution. Elle se cacha derrière un arbre. Une ombre la frôla. C'était son fils. Comment ? Si tôt ? Elle prit sa piste et prudemment l'épia. Il alla droit à l'écurie, en évitant de marcher sur les pierres craquantes. Il mit ses sabots dans ses mains, et il poussa la porte avec douceur quand elle lui frappa sur l'épaule. « Tu ne l'as donc pas trouvé ce soir ?» Il parut étonné. « Tiens, tu n'es point couché. » Comme elle ne répondait pas, il reprit avec hauteur. « Non, je ne l'ai pas trouvé. » « Tu l'avoues donc ? Tu cours après elle tous les soirs ?» Déjà rageuse, elle lui pointait son parapluie en pleine poitrine et lui en donnait de grands coups sur les bras, tandis qu'elle agitait sa lanterne en la balançant comme un encensoir. Il laissa tomber ses sabots et saisit le bout du parapluie en disant d'une voix basse « T'es folle, maman, t'es folle, c'est sûr !» Elle lui jeta des moines de terre, des morceaux de bois, tout ce qu'elle trouvait sous sa main. Il ouvrit le parapluie et les projectiles rebondirent sur la toile tendue et sonore. Elle l'insultait en lui donnant des noms d'animaux méprisés, sans trop crier de peur de réveiller les deux sœurs. Enfin, elle agrippa une baleine du parapluie. Pierre le lâcha et disparut dans la nuit. Le lendemain soir, la griotte repartit en chasse comme de coutume. Il lui sembla qu'elle suivrait Pierre plus aisément. Il marchait au milieu de la route, sans tourner la tête de droite et de gauche, comme une personne honnête qui se promène pour se promener et n'a rien à craindre. Il s'enfonça tranquillement dans l'ombre des acacias. Elle crut le tenir avec l'autre peut-être. Mais brusquement, il se retourna et cria « Si tu crois que je ne te vois pas, mais tu perds ton temps !» Il s'enfuit, sauta par-dessus un petit mur de pierre sèche. Elle avait beau crier « Vas-tu m'écouter ? Vas-tu m'écouter ?» Il se sauvait toujours, peu à peu rétréci et rapetissé par les ténèbres. Longtemps encore, Elle le vit courir dans le pré, foulant les herbes, pareil à un revenant en folie. Sur son passage, de grands bœufs blancs se dressaient pesamment, détiraient leurs membres humides de rosée et gour, et soufflaient avec force, pris d'inquiétude, leurs cornes luisantes en avant, toutes semblables à des arcs étranges où les étoiles auraient tendu leurs rayons. « Je fais des bêtises, » se dit la griotte, « je me montre trop tôt. » Cette fois, ils ne m'échapperont pas. Elle pensait cela, au bord de la rivière, à une bonne distance de Pierre, qui ce soir-là n'avait pu la dépister. Patiente, elle marchait toujours entre deux saules. De temps en temps, elle reculait, repartait, et elle riait en elle-même. Car si de loin, un passant l'apercevait, il pouvait croire à une danse fantastique où elle faisait trois pas en avant, deux en arrière, jouant le rôle du cavalier seul. Devant un coude bien arrondi de la rivière, Pierre s'arrêta. Un bateau de flotteurs, attaché à un tronc de saule par une chaîne libre, clapait comme une langue de chien qui boit. Pierre le détacha et sauta dedans. Le bateau glissa vers l'autre bord, sur le reflet d'un ciel très pur, jonché d'astres brillants comme des yeux, et que le sillage faisait légèrement clignoter. L'eau coulait, lente, sans choc, s'illuminait entre deux projections de sol, rentrait dans l'ombre, et la perche de Pierre s'enfonçait, se retirait sans bruit. Il semblait pêcher au feu de la lune et, avec son bras démesurément allongé, aller chercher des poissons sous les pierres. La griotte ne put retenir une exclamation. La chance encore se tournait contre elle. Elle ne la verrait donc jamais, cette fille. Pierre était arrivé. Les saules, au-dessus de lui, se creusaient en charmilles impénétrables et leurs branches se traînaient sur une pile de bois. Il était là, à n'en pas douter, derrière cette pile, sous un couvercle de feuilles fraîches, le nid de leur amour. La griotte entendait la voix de Pierre, des sons indistincts et lointains, coupés de silence pour les réponses de l'autre voix qu'elle n'entendait pas. Elle aurait voulu se jeter à l'eau. Elle ne put qu'agiter ses deux poings, suffoquée en criant « Libertin ! Libertin !» et en pleurant douloureusement. Dans la journée, elle faisait les recherches, allait effrontée de porte en porte par tout le village, questionnait les filles. « C'est toi qui veux les bœufs ?» Si la fille rougissait, sans oser comprendre, la griotte précisait « Je te demande si c'est toi qui veux les bœufs avec mon Pierre ?» L'une lui rit au nez, l'autre la remit vertement à sa place, une troisième la menaça même de lui faire envoyer du papier par monsieur le juge de paix. Elle ne peut rien savoir, et désespéra de jamais connaître la vérité, de plus en plus haineuse contre la rouleuse inconnue qu'il volait l'amitié de son enfant. Comme le roc n'agissait pas, ne faisait aucune observation, en apparence désintéressée, elle l'aiguillonna, vexée toutefois de n'avoir point réussi toute seule. Il faudrait pourtant y mettre le roc, et que ça finisse cette histoire. « Ah, tu te rends, » dit le roc avec dédain, « ce n'est pas dommage. T'a-t-il assez roulé le petit que je ne sais pas prendre ? Oh, tu en es encore une drue, toi, de femme. Enfin, tu y renonces. C'est bon, à mon tour. » Il s'expliqua nettement avec Pierre. « Ou tu te couches ce soir tout de suite après la soupe, ou je te ferai ton affaire ce soir même. » Sa voix était si ferme, son attitude si énergique, que les deux sœurs s'agitèrent, effarées, et leurs quatre yeux se déplacèrent vivement, dans tous les sens, comme les billes d'ivoire d'un jongleur. Pierre ne répondit même pas, et sa soupe avalée avec précipitation, il s'en alla en pleine liberté, sifflotant. Il passa dehors la moitié de la nuit. Comme il rentrait, insoucieux, à son écurie, une détonation éclata tout près de lui. En même temps, un grand cri fut poussé. Pierre se précipita et retint son père prêt à tomber. Le roc venait en effet de se loger une balle dans le bras gauche. Il criait comme égorgé. Pierre le traîna à la maison. Ce fut une stupéfaction. Les deux sœurs s'étaient assises sur leur lit. Elles se frottaient les yeux, ouvraient la bouche, et pâles, collées l'une contre l'autre comme des figurines de porcelaine, elles tâchaient de comprendre. En chemise, sèche et affolée, la griotte avait déballé du haut de son grand lit. Une mèche de cheveux gris s'était échappée de son serre-tête et se tordait au creux de ses épaules maigres. Le bras de l'Europe pendait misérablement. On le tâtait, on lui disait « Fais donc voir, montre donc. Mon pauvre vieux, comment diable as-tu fait ton coup ?» Mais à chaque attouchement, il se débattait avec des plaintes rauques. « Laissez-moi, allez-vous me laisser ?» Toute la nuit, il gémit à lui seul comme un orchestre d'instruments à vent. Un instant, il se calmait et d'une voix enfantine expliquait l'aventure. « J'ai d'abord voulu tirer, puis je n'ai plus voulu, et en même temps que j'ai tiré, je me suis retenu. Enfin, je ne sais pas. » Honteux de sa maladresse, incapable de supporter sa douleur avec courage, il refusait les soins, surtout ceux de Pierre, qu'il n'était pas loin de considérer comme son assassin. Les deux sœurs s'étaient levées, et blanches, grelottantes, comme si on les eût trempées dans un seau de glace, tenaient l'une la chandelle vacillante, l'autre des bandes de toile. Le médecin arriva, il voulut tenter d'extraire la balle. « Jamais de la vie, ça me ferait trop mal. Plus tard, vous reviendrez. » Le médecin dut laisser la balle tranquille. « Mais s'il revient, il nous comptera deux visites, » dit la griotte quand il fut parti. Fréquemment repoussé, Pierre demeurait dans un coin, muet, tout à ses remords. Seule la griotte, marchant en chaussons, avait le droit de s'approcher du lit. Le roc eut la fièvre, délira, et finit par s'endormir d'un sommeil agité. Parfois il se débattait, rejetait les draps au pied du lit et mettait à nu ses jambes rugueuses et moussues comme de la vieille écorce. Les deux sœurs se courbaient alors sur leur ouvrage, de telle sorte qu'elles étaient obligées de tirer l'aiguille horizontalement, de peur de s'éborgner. À tour de rôle, tous veillèrent le roc, silencieux, superstitieusement frappé par la bizarrerie de l'accident. La griotte réfléchissait en découpant de la charpie. Elle jugeait la conduite de Pierre avec plus d'indulgence. Peut-être bien tout de même qu'il l'avait traité par trop en enfant. Elle ne doutait pas que le malheur de l'Europe ne fût une punition du bon Dieu. De son côté, Pierre, amolli, avait embrassé sa mère en lui promettant qu'il ne le ferait plus. Elle hochait la tête sans rien dire. Il guettait les mouvements du blessé, parlait à voix basse et faisait chute aux voisins qui entraient prendre des nouvelles. Il les donnait dans l'oreille, les murmurait comme des confidences. Les curieux s'asseyaient, regardait quelques instants le roc dormir et faisait place aux autres. L'un d'eux prétendit qu'on aurait mieux fait d'appeler le vétérinaire, moins cher que le médecin, et sauf le respect que je vous dois, aussi habile à soigner les gens que les bêtes. Toute la journée se fut un va-et-vient. La griotte, bien vraiment révolutionnée, répétait « Jamais on n'a vu une chose pareille, mais je le dis toujours, on n'a que ce qu'on mérite. » Le roc continuait de dormir, de plus en plus calme. Toute la grande chambre tombait à un silence profond. Au-dessus de l'immense cheminée, où tourbillonnait une fumée âcre, entre deux chandeliers de cuivre brillants comme des éclairs, et quatre baguettes de bois noir, Napoléon Ier, empereur, son petit chapeau un peu de travers, l'œil sévère et la main droite glissée dans sa redingote grise, comptait une à une les pulsations de son grand cœur. On ne voyait pas encore le portrait du général Boulanger, car les gloires successives de la France n'entrent guère sous cet humble toit qu'une vingtaine d'années après leur disparition. Un agent, toutefois, leur avait fait l'article en disant « Un malin, celui-là, tenez !» Le roc avait pris le portrait. « Un malin, vous dites ?» C'est égal, il se défiait et préférait attendre. Et après avoir tous regardé à la ronde, longuement, l'image peinte, et bien que, selon les deux sœurs, dût un faux air de pierre à leurs soldats, ils l'avaient rendu en garde contre les entraînements du cœur, les coups de tête et les dépenses qui ne servent à rien. Enfin, le roc ouvrit les yeux. Il paraissait soulagé. Mais la vue de Pierre le mit de nouveau en fureur. Il lui cria « Va-t'en, sors d'ici !» Pierre s'en alla, penaud. « Ne te fâche pas, dit la griotte, tu vas te faire mal. » À son grand étonnement, le roc ne sentait plus rien du tout. En effet, comme on n'avait pas voulu la retirer, la balle s'était décidée à sortir toute seule. Le roc la trouva dans ses bandes défaites. Il la prit d'abord pour un noyau de quelques fruits. C'était bien une balle, un petit morceau de plomb informe, bosselé, enveloppé dans une couche de sang caillé. Pierre, rappelé d'un coup de canif, montra à découvert le brillant du plomb. Il voulait la remettre tout entière à neuf, mais la griotte et les deux sœurs l'en empêchèrent, comme s'il allait accomplir un sacrilège. Il fut convenu qu'on garderait la balle sous verre, sur la commode, à côté du livre qui avait servi aux trois premières communions des enfants. En réalité, la balle, à peine entrée dans les chairs, était restée à fleur de peau et n'avait eu qu'à se laisser tomber. Mais de l'avis de tous, le bras était troué de part en part. Le roc geignait encore pour la forme. Cependant, joyeux de se voir hors de danger, il dit à Pierre « Est-ce que ça te servira de leçon au moins ?» Pierre hésita avant de répondre. Puis il dit aux deux sœurs « Allez donc voir au poulailler s'il n'y a pas des œufs. » Quand elles se furent éloignées, il reprit. Soyez tranquilles, papa et maman, je ne sortirai plus le soir. » La griotte n'accepta pas cette exagération. « Oh, de temps en temps, tu pourras nous laisser, il faut jeter ta gourme. » Ému par tant de douceur, Pierre s'enhardit. « D'abord, c'était une farce. »« Comment ?»« Oui, c'était pour vous en faire croire. » »« Pareil comme je le dis, je connais point de fille. Quand j'avais dépisté maman, je rentrais tout de suite à l'écurie. »« Tu te rappelles le soir du parapluie ?»« Eh bien, tous les soirs, c'était la même chose. Quand tu m'as suivi le long de la rivière, jusqu'en face de la pile, je t'ai joliment mis dedans. » Tu as cru qu'elle était là, la fille. Il n'y avait pas plus de filles que sur ma main. Je causais tout seul. Ça ne m'amusait point toujours. Des fois, je gelais dehors. D'autres fois, je travaillais pour passer le temps. La dernière fois, je suis allé dans la vigne et j'ai resserré avec une clé les fils de fer qui étaient détendus. Même que j'ai relevé au clair de lune des supports à moitié tombés. Dame, vous vouliez me contrarier, alors j'ai voulu vous contrarier aussi, moi. Na. Il avouait tout. La tête basse, modeste, souriant aussi, car il se félicitait d'avoir si bien joué à cache-cache. Il ne s'apercevait pas que la figure de son père s'empourprait graduellement. La griotte poussait des « Oh !» d'étonnement et n'en revenait pas, à la fois dépitée et orgueilleuse. Quand Pierre eut fini de raconter ses petites affaires, le roc, oubliant son bras malade, s'était assis sur son lit. « Comment ? C'était une farce !» Tu te moques comme ça de tes pères et mères, et par-dessus le marché, tu manques de les tuer. » Il avait saisi une chaise avec sa main libre et la lança de toute sa force. Pierre l'attrapa au vol et la posa tranquillement sur ses quatre pieds. Le roc voulait sauter par terre, la griotte le prévint à temps. « Allons bon, ça va recommencer, tu fais la bête à la fin. » Pierre dut l'aider à le maintenir. Il pressa légèrement le bras blessé de son père, qui domptait comme un taureau auquel on a mis un anneau dans le nez, se recoucha avec un grognement perçant et continu, tandis que Pierre, sans le lâcher, sanglotait et lui disait, en maîtrisant ses soubresauts, le corps tout secoué. « Voyons, papa, si je te dis que je cours les filles, tu te fâches. Et si je te dis que je ne cours pas les filles, tu te fâches encore. Alors je ne sais plus quoi dire, moi. » C'était « Le coureur de filles » par Jules Renard.